sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games, lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvoy et Charles Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez la 99.6 FM Radio Bonne Nouvelle. Ce soir, dans le cadre de votre émission Lumière sur les ondes, diffusée tous les vendredis soirs entre 18h30 et 19h30, nous parlerons d'un fait, mieux d'un phénomène très fréquent dans notre société. Il s'agit de celui de la possession. La possession telle que vous entendez. De nombreuses personnes s'interrogent très souvent sur ce mystère, sur ce phénomène. Comment peut-on être possédé par un semblable? Comment des esprits méchants peuvent arrivent-ils à parler ou alors à s'exprimer en différents saints? C'est toute la grande question qu'on se pose très souvent. Et ce soir également, nous nous posons ces différentes questions. On parle de possession ce soir, mesdames et messieurs. Comment des esprits arrivent-ils à s'exprimer dans le corps de diverses personnes? Toutes ces questions trouveront certainement des réponses tout au long de cette émission. Possession démoniaque dans le corps de Christ, est-ce possible? Possession démoniaque dans le corps de Christ, est-ce possible? Le chrétien peut-il être possédé? Peut-il être une habitation des démons ou au même titre qu'un non-chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut-il autant être habité par des esprits méchants qu'un non-chrétien? Possession démoniaque dans le corps de Christ, est-ce que c'est possible? C'est la grande interrogation de ce soir. Cette émission qui est mise en onde par et réalisée par Raoul Patrick. Je suis Franck Stéphane Mevoy à ce micro de présentation. Nous allons prendre une musique de mise en condition juste après la présentation du panel. Et nous commençons par l'Ifoko du ciel. Il chante « Je n'ai jamais vu un homme ». Bonsoir et bienvenue. C'est loué. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassaient de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pêche. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois et ils se représentent comme la croix de Jésus, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Mais où est la croix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix, mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre trois fois des pécheurs, mais où est la croix? Retour dans ce studio de la 99.6. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés en 99.6 en modulation de fréquence. L'émission, c'est Lumière sur les ondes. Et ce soir, nous parlons d'un thème fort d'actualité. Nous parlons des possessions démoniaques et on s'interroge. Est-ce que dans le corps de Christ, on peut retrouver des personnes qui sont possédées? Est-ce qu'un non-chrétien peut être possédé au même titre qu'un chrétien? Voilà la grande interrogation de ce soir. Et avec nos panélistes, nous allons essayer d'apporter des réponses à nos auditeurs nombreux qui nous écoutent ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir Elie Bertrand Tchabda et bienvenue dans ce studio. Bonsoir François-Stéphane, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de Lumière sur les ondes en général et des Radio Bonne Nouvelle en particulier ce soir. Je rappelle que vous êtes évangéliste, vous êtes un féru de la parole de Dieu. Ce soir, on espère que nous allons avoir de l'eau qui coule de bonnes sources pour pouvoir donc désaltérer nos différents abreuvés et désaltérer nos différents auditeurs. De toute façon, toute question biblique doit avoir une réponse biblique. Merci Elie Bertrand Tchabda, à côté d'Elie Bertrand Tchabda, l'homme de Dieu, le pasteur Georges Guillaume Medio. Bonsoir. Bonsoir François-Stéphane, bonsoir copanélistes, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Bonne Nouvelle. Merci. Alors, on rappelle que vous venez tout droit de Yaoundé. C'est effectivement, je viens d'arriver sur tout droit de Yaoundé. Ce n'est pas facile de rouler sur l'axe lourd à Yaoundé-Douala parce qu'il y a beaucoup de prévention, de différentes équipes. Oui. Et ça fait que le voyage n'est pas aisé pour le moment. Justement, c'est un thème qui vous tient à cœur. C'est pour cela que vous avez également effectué le déplacement. Avec vous également, on entrera vraiment en profondeur sur ces questions, souvent d'ordre spirituel aussi. Et j'ai également à côté de vous, j'ai préféré terminer par la dame qui est avec nous ce soir. Elle est médecin, docteur Kiki Essola. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ce soir parce qu'on parle quand même d'un thème qui est, à la lisière entre le physique et le surnaturel. Donc, avoir l'avis d'un médecin ce soir sur ces questions qui sont souvent peut-être incomprises de ceux, entre guillemets, qui n'ont pas des yeux, ce serait également intéressant de vous avoir ce soir et que l'avis du médecin puisse également primer dans ce studio. On rappelle aux auditeurs que l'émission porte sur la possession démoniaque dans le corps de Christ. Est-ce possible? On parle des possessions démoniaques ce soir et on voudrait savoir si on peut retrouver des personnes qui sont possédées dans le corps de Christ. On verra également si hors du corps du Christ, cette activité a également le droit de citer. Alors, que signifie être possédé, Libertron Chabda? Bon, bibliquement parlant, être possédé, ça veut dire que hormis, parce que l'être humain en principe est considéré comme tridimensionnel, c'est-à-dire que c'est un être qui a un corps physique, une âme et un esprit, et son propre esprit. Donc, être possédé, ça veut dire que c'est un être extérieur qui est externe à ces trois natures s'ils viennent habiter dans l'une des compartiments du corps. C'est, de façon simpliste, c'est cela. Mm-hmm. Alors, Georges Guillaume Joe, le pasteur, Élie Bertrand nous fait savoir que être possédé, c'est effectivement avoir une entité spirituelle qui vient habiter dans votre corps. Est-ce que c'est possible? Moi, je vous pose également la question. Est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un qui vient prendre autorité et possession de votre corps? Est-ce que c'est possible? Effectivement, c'est possible. Vous allez, nous parlons à la lumière des saintes écritures. Oui. C'est-à-dire, nous devons essayer de ressortir l'origine de la possession. Oui. L'origine de la possession vient après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que quand tu lis Genèse chapitre 3, tu vois que l'homme avait un corps spirituel avant la chute. Il causait avec Dieu, il marchait avec Dieu. Mais après la chute, Satan a hanté l'homme. Ça fait que deux hommes sont possédés comme... Élie définissait tout à l'heure. Oui. Ça veut dire qu'un homme peut être possédé, et être possédé, ça veut dire que tu es habité par un esprit autre que ton esprit. Et je veux ajouter que l'être humain, la capacité de l'être humain, la capacité de l'esprit, ou bien la contenance de l'esprit est au point où on peut voir 6000 personnes d'autres extra qui viennent habiter dans ton corps. Parce que dans le livre de Marc, au chapitre 5, un démon des garanésiens, où le Seigneur Jésus est allé dans le tombeau, on dit personne n'osait passer par là. Mm-hmm. On dit qu'il y avait un légion. Et le légion, lorsqu'on fait la comptabilité, ça fait environ 6000 démons qui habitaient dans un être humain. Alors, l'évangéliste et le pasteur qui sont dans ce studio s'accordent ce soir à nous dire que quelqu'un peut être possédé. Ça veut dire qu'une personne vivante absolument peut posséder une autre personne vivante. Là, on va tracer cas par cas. Parce qu'il va falloir comprendre. Est-ce que sur le premier cas, on est d'abord d'accord? On est d'accord qu'il existe des possessions démoniaques. Oui. Et là, également, il faut définir les entités démoniaques et essayer de distinguer entre cela et la sorcellerie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des esprits désincarnés, puis les esprits humains qui sont projetés dans les corps humains, c'est autre chose, c'est autre domaine. Donc là, dans la définition de Nyon, c'était la définition des esprits qui sont déchus, c'est-à-dire que les anges déchus qui ont été chassés, qu'on a considéré comme les esprits impurs qui viennent habiter le corps. Alors, ce que moi je retiens, c'est que le pasteur, Georges Guillaume Medio, et l'évangéliste Élie Bertrand Chabda sont d'accord sur le fait que la possession existe. Absolument. Voilà. Alors, je me tourne maintenant vers le médecin ce soir. Est-ce que sur le plan médical, sur le plan scientifique, est-ce que c'est possible, docteur Kiki Isola? Je dirais, sur le plan scientifique, oui. Nous voyons les choses autrement. Autrement, oui. Oui, parce que chez nous, dans le domaine de la science, c'est d'abord l'entité physique. Oui. Et l'entité psychologique. Ok. Mmh. Donc, du coup, s'il y a un déséquilibre entre ces trois parties, parce que chez nous, le spirituel, c'est un peu, ça se retrouve dans le mental, en fait. Oui. Donc, en science, vraiment en médecine, possession, non. Mais on sait qu'il peut avoir un déséquilibre, mental, qui peut avoir un reflet sur le physique. Bien entendu. Et là, ils appellent ça souvent trouble comportement. Voilà. Double personnalité. Et on le voit souvent même dans certaines séries, des profilers, des personnes qui sont des filles. Effectivement. Donc, on va entrer en profondeur, en tout cas. Et c'est déjà bien de vous avoir en studio, des personnes qui sont là pour nous éclairer à la base des Saintes Écritures, également le médecin qui est là sur le plan scientifique. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent commencer donc à partir de 19h précises, ils pourront commencer à envoyer des questions, à poser des questions en appelant 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou le 699 49 37 90, 699 49 37 90, par appel ou par SMS à partir de 19h précises. Prophète Georges Guillaume, je rappelle que vous avez également une casquette de prophète. C'est peut-être pour cela que je vais nager entre le pasteur et le prophète. Peut-être le pasteur pour des questions scripturaires et le prophète pour des questions qu'on ne peut pas facilement cerner. Alors, comment se manifeste la possession? Déjà, je l'ai dit d'entrée de jeu, on ne peut pas, c'est-à-dire la manifestation de la possession, ça veut dire il y a deux entités qui gèrent le monde, c'est-à-dire la puissance céleste qui est déployée par les ténèbres des armées au nom de Jésus et la puissance infernale qui est déployée par les diables et les démons. C'est démon, oui. Et ça fait que la possession selon ceux et celles qui sont habités peuvent se manifester. Une personne peut commencer à délire. Il peut avoir poser des actes indignes. Et il faut avoir un homme, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire spirituel, qui peut discerner. Parce que si on ne discerne pas que cette personne est possédée, parfois on peut se tromper. Oui. Parce qu'il faut connaître, c'est-à-dire pour les hommes spirituels, parce que ceux et celles qui sont même possédés selon ce qui est écrit, parce que la spiritualité est une folie pour le monde. Ça veut dire que pour identifier et comprendre même cet aspect des choses, il faut des gens qui s'y connaissent dans le domaine spirituel pour expliquer un certain nombre de choses et rendre des témoignages par rapport aux Saintes Écritures. Parce que pour identifier une personne qui est possédée, tu dois avoir reçu l'Esprit de Christ. Oui. Parce que vous allez constater que dans des évangiles, comme Élie soulignait tout à l'heure, d'ailleurs tous les évangiles s'accordent là-dessus, ça fait que Christ entrait à l'opposition avec les démons. Ça veut dire qu'un homme qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire dans ses voyages, dans ses rencontres, s'il rencontre quelqu'un qui est animé par un esprit démoniaque, il y a opposition tout de suite. Mm-hmm. Donc à partir de là, le spirituel peut identifier ceux et celles qui ne sont pas de Dieu à travers des esprits sataniques. Mm-hmm. Alors, docteur Kiki et Sola, quand on écoute le pasteur Guillaume qui est en train d'argumenter sur le comment se manifeste la possession, moi j'ai envie de vous poser une question. Et peut-être cette question va vous conforter, vous en tant que médecin. Je vais prendre l'exemple d'un jeune homme qui a grandi avec des filles. C'est-à-dire que dès son bas âge, il est avec des filles, il voit comment elles mettent des rouges à lèvres, il voit comment elles mettent des mini-jupes, il voit comment elles se comportent. Après arriver à un certain âge, il commence à se comporter, fort de ce qu'il a gardé dans son subconscient, les habitudes des filles, commence à se comporter comme une fille. Il fait tout comme une fille, et ce jeune homme va aller dans une église, et on va lui dire non, tu es possédé, tu es habité par un esprit, et ainsi de suite, des filles, et ainsi de suite. Est-ce que, à ce niveau, il n'y a pas contradiction, parce que sur le plan scientifique, on voit bien que cette personne a été influencée, fort du comportement environnemental et de la société. Mais d'un autre côté, vous allez voir des hommes qui vont vous dire que non, ce garçon, il est possédé, c'est parce que il a des couches de nuit, c'est parce qu'il a ci, il a ça. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue là-dessus? Mon point de vue là-dessus, en fait, dans l'évolution psychologique d'un enfant, il y a un moment où il doit se différencier. Oui. Et en fait, il faut qu'il s'identifie à quelqu'un. À quelqu'un. Oui. Voilà. Donc, généralement, on appelle ça en psychologie le complexe d'Œdipe. Mm-hmm. Donc, dans le complexe d'Œdipe, il faut que l'enfant arrive à faire la différence. C'est-à-dire, je m'identifie, je suis un homme, psychologiquement et physiquement, oui. Où je m'identifie, je suis une femme psychologiquement et physiquement. Mm-hmm. Et c'est donc là où il y a souvent des problèmes, parce que c'est parfois, chez nous en Afrique, on a un peu moins, parce que même si on n'a pas un père biologique, il y a toujours quelqu'un qui représente en fait ce mal-là, le mal dans la famille, pour que le garçon puisse s'identifier et pour que la petite fille puisse s'identifier à une femme et également avoir un homme dans la famille qui représente en fait le père. Mm-hmm. Parce que quand il y a une défaillance entre ces deux côtés, on va toujours se retrouver où on est déséquilibré psychologiquement. Ça veut dire, par exemple, dans les familles monoparentales où c'est seulement la femme, on va se retrouver peut-être avec, par exemple, des filles ou bien des femmes qui seront trop rigides, qui ne pourront pas avoir une certaine flexibilité parce qu'il y a eu manque. Parce que ce manque-là n'a pas pu être comblé à un certain moment. Mm-hmm. Et parlant des manifestations, ce déséquilibre-là nous conduit directement dans le couloir des maladies mentales. Oui. Donc, et là, quand on entre dans le couloir des maladies mentales, ça peut se manifester de plusieurs manières. De plusieurs manières, effectivement. Ça peut être des maladies hypochondriaques, ça veut dire, je commence à imaginer quelque chose. Je commence à imaginer, par exemple, que comme j'ai mal à la poitrine, ça peut être un cancer. Mm-hmm. Et peut-être au bout de 10 ans, de 20 ans, effectivement, je me retrouve avec un cancer parce que j'ai nourri cette idée-là. Comme pour dire, le physique, le mental et l'esprit, tout ça forme un bloc. Et c'est en équilibre qu'on a la santé. La santé, oui. Ok. Alors, Élie Bertrand-Chalbach, vous accordez du crédit à ce que dit le docteur, le médecin que nous avons dans ce studio ce soir? Vous savez, chaque fois que je suis dans votre studio, le sourire est toujours renouvelé lorsqu'on a un scientifique sur le plateau. Oui. L'une des émissions que nous avons faites ici avec le thème de l'astrologie, avec le professeur Emmanuel Lipote, vous voyez effectivement que le domaine spirituel. Mm-hmm. C'est pour cela que dans la science se limite à un seul niveau pour passer à la métaphysique, oui, à la métascience. Mm-hmm. Et à ce niveau-là, la science a des explications terre à terre pour résoudre le problème quotidien de l'être humain. Comme elle vient de l'expliquer, moi j'ai très bien compris. Oui, absolument. J'ai envie de dire que c'était limpide comme vraiment de l'eau de roche. Alors maintenant, notre scientifique est dans le studio maintenant. Si à supposer qu'on prenne ce fou de Marc chapitre 5, on amène dans sa clinique, dans sa clinique pour pouvoir essayer de faire le diagnostic de ce qui lui arrive, elle aura deux solutions pour ce monsieur. Mm-hmm. L'enchaîner et constamment l'injecter. Vous voyez, il va dire trouble de personnalité. Mm-hmm. Mais il y en a 6000 êtres qui habitent son corps. Il faut l'expulser de là. Voilà pourquoi Christ Jésus est venu pour délivrer les captifs. Mm-hmm. Donc les gens sont en captivité, il faut les délivrer. Mm-hmm. Or, malheureusement, la science ne peut pas résoudre le problème de l'âme. Mais est-ce que c'est dire, parce que moi j'ai un peu compris la logique du docteur Kiki et cela, est-ce que c'est dire que tous ces cas sont des cas de possession? Est-ce qu'il n'y a pas des cas de troubles de personnalité sur le plan physique? Ça veut dire que quelqu'un est désordonné entre son âme, entre son esprit, entre son corps. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des cas cliniques? Nous procédons à avancer sur ce terrain. Oui. Il y a le cas de possession démoniaque, c'est-à-dire que l'être habite le corps. Oui. Il y a le cas de l'influence démoniaque, c'est-à-dire que l'être est à l'extérieur et influence. Est-ce à dire que toutes ces choses-là sont l'apanage de Lucifer, je vais dire. En fait, sur ce plan, permettez-moi de dire quelque chose qui risquerait d'être bizarre. Oui. Et même s'il dit, je le cite, des Saintes Écritures, oui, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du point ne pointe à lui. Car tout ce qui existe dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, parce que tout à l'heure, il a parlé de quelqu'un a besoin de s'identifier au milieu du groupe. Oui. Alors, lorsque vous commencez à être identifié au milieu du groupe, prenons par exemple un enfant qui va grandir dans un quartier où il y a des groupes, on appelle le gang, où il commence à développer un style. Oui. Ce gang est influencé dès le départ, à son départ, par un esprit. Mm-hmm. Quand il commence à s'identifier, donc il est sous l'influence de cet esprit. Si vous prenez comme ça, nous commençons à couper l'avocat comme ça et en distribuant quartier par quartier, domaine par domaine, vous allez voir effectivement tôt ou tard, de façon directe ou indirecte, la même mise de l'ennemi. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas nous dédouaner dans ces choses-là. Mm-hmm. Parce que nul était sa chute et sa rébellion, nous n'en serons pas là. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il y a le cas de possession de menace, c'est-à-dire que le cas où nous sommes traités là, que les êtres habitent dans le corps. Ouais. Il y a le cas de l'influence, les possessions, il y en a plein dans la Bible. Mm-hmm. C'est-à-dire que le cas où l'influence se trouve à l'intérieur, où l'esprit peut influencer à faire quelque chose. Mm-hmm. On voit par exemple aux États-Unis, c'est pignon sur les États-Unis, où vous voyez un enfant à l'issue des côtes d'un style de musique rock, prend les armes, tue ses parents, et puis se tue, et écrit qu'il a entendu. Vous voyez, vous entrez dans sa chambre, vous voyez les CD de Black Sabbath, de rock en rock qu'il a écouté. Et vous écoutez ce rock-là, vous entendez Autour to Hell, the Last Bed to Hell, I'll Bring You to Hell. Ces esprits-là sont, et tous les chanteurs rock sans exception disent qu'ils sont canalisés par le démon pour écrire les chants. Alors vous avez pris un exemple quand même des personnes qui, sur le plan de la société, ne sont pas des miroirs, des personnes vers qui on est, pour qui on aimerait faire la même chose. Oui. Mais moi je vais prendre quand même un cas, je vais citer des cas quand même, des modèles. On peut avoir des stars de la chanson chrétienne, on peut avoir des présidents de la République qui managent assez bien leurs états. On voit un petit enfant qui veut s'identifier à cette star parce qu'il se dit, oh, ce garçon ou alors cette fille chante tellement bien pour Dieu. Oui. Il commence à développer dans son mind, dans son esprit, des aptitudes pour pouvoir refléter cette personne. Ou alors ce petit garçon qui cherche à ressembler à ce leader, à ce président de la République, à ce manager chrétien. Oui. Est-ce qu'à ce niveau c'est mauvais, prophète Georges Guillaume? Est-ce qu'à ce niveau c'est mauvais? Ça, c'est on peut donner un commentaire dessus parce que c'est la vue extérieure des choses. Mmh. Et nous parlons du spirituel. On peut chanter pour Dieu, mais on fait autre chose. Mm-hmm. On peut prêcher la parole des hommes pour laquelle nous voyons à la télé comment Timothée Joshua délivre les pasteurs, délivre, parce que Christ même dans les Pourquoi évangiles... vous parlez seulement de Timothée Joshua? Non, c'est quelqu'un qui a la main de Dieu. Il faut donner ce Vous témoignage. Auriez pu parler d'Élie, de vous. Non, là, il faut qu'on touche ces questions-là, délivrer le pasteur, les enfants de Dieu. Donc, ça fait que je peux chanter, je peux prêcher la parole de Dieu. Si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, le démon peut faire de moi ce qu'il veut. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que une personne qui me voit à l'extérieur, ça dit par la vue d'extérieur, mm-hmm. ne doit pas m'imiter, peut m'imiter. Mais ce qui m'anime peut aussi impacter sa vie. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait que Jésus utilisait un langage dans les Écritures. Il parlait de l'hypocrisie, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, nous sommes là-dedans, si on ne le fait pas dans la vérité, et vous allez aussi constater, il utilisait toujours en vérité, je vous le dis. Donc ça veut dire que l'œuvre de Dieu qui est conçue dans la vérité, à travers l'Esprit de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Alors, 699 49 37 90, 699 49 37 90, vous pouvez appeler ou envoyer des messages. Ou au 243 07 56 32. Ah, le 243 07 n'est pas disponible ce soir, on a des problèmes de connexion. Alors, vous pouvez appeler et envoyer des messages au 699 49 37 90 uniquement. 699 49 37 90, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages. Le thème de ce soir, possession démoniaque dans le corps de Christ. Est-ce possible? Est-ce que c'est possible que dans le corps de Christ on retrouve des personnes qui soient possédées? C'est la grande interrogation ce soir. Élie Bertrand Tchabda, oui, vous me faites signe de la main. Je voulais ajouter de l'eau au moulin du pasteur. Vous avez posé la question en citant le cas du président de la République, quelqu'un qui imiterait un chef d'entreprise qui fait bien son travail. Oui, soit un pasteur qui prêche bien, un enfant qui dit je vais ressembler à son moment. On va poser le cas. C'est selon les Écritures, puisque nous sommes dans la lumière sur les ondes. Allez-y. C'est pour cela que les saintes Écritures ont été données. Parce que la Bible déclare que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, instruire, enseigner, ainsi de suite. Oui. C'est l'Écriture qui doit enseigner. De Timothée. Oui, Timothée chapitre 3, verset 16. Oui. Alors, dans Philippiens chapitre 3, verset 17, 16 et 17 et suivant, l'apôtre Paul dit qu'on imite ceux, qu'on porte les regards vers ceux qui marchent d'après le modèle qu'on a vu en eux. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que eux, dans les Saintes Écritures, sont des modèles prévus. Mm-hmm. Et là, lui-même, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, on a déjà donné l'orientation pour celui qui veut marcher comme Dieu. Parce que sinon, vous serez sur l'enfer, comme le prophète Daniel dit, vous pouvez voir quelqu'un qui chante bien, mais vous ne connaissez pas l'état de son cœur. Mais là, les Saintes Écritures nous ont donné quelque chose, Mais par ricochet, pour tacler un peu le pasteur Guillaume, il a dit que. Il a cité le prophète Joshua. Oui. Ça veut dire que sur la base de ce qu'il a vu, il peut s'identifier au prophète Joshua. C'est exactement ce que son éducation lui dit, que comme les Écritures nous ont donné déjà une lumière. Mm-hmm. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'un président de la République puisse faire quelque chose. Oui. Vous avez remarqué dans la Bible qu'on a eu des bonnes personnes qui ont pris de bonnes décisions, comme Pharaon, à un moment donné, a pris les bonnes décisions, sous l'influence de l'esprit démoniaque, à un moment donné, et sous l'influence de l'autorité tout-puissante du Seigneur Jésus. Mm-hmm. Et là, vous voyez effectivement qu'à un moment donné, il est coordonné par Dieu, à un moment donné, il est coordonné par Satan totalement. Mm-hmm. Parce qu'un Nebuchadnezzar sera coordonné par Dieu, à un moment donné, il va ériger une statuette pour adorer ces mêmes statues-là. Vous voyez effectivement. Donc, ce style de personne, vous voyez Nebuchadnezzar en prenant des décisions, en voulant imiter Nebuchadnezzar, vous serez sous l'influence de l'esprit. Or, la Bible, les Saintes Écritures nous ont réglé maintenant, de la manière chrétienne, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, un code de conduite. De marcher d'une façon irrépréhensible devant le Seigneur. Le but maintenant, c'est de marcher d'une façon irrépréhensible. Et pour marcher de façon irrépréhensible, Dieu a donné son esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est l'esprit de vérité donc que nous devons suivre et qui doit nous conduire jusqu'à bon port. Cet esprit-là que Dieu nous a donné comme les arts de l'esprit, c'est-à-dire que c'est le témoignage qui vient à nous chercher. Et si quelqu'un sort hors de ce code de conduite-là, il est totalement à côté de la plaque. Même si vous faites ce qui est bien, ce n'est pas le fait d'être dans l'humanisme, dans l'humanité, trouver le solution dans l'humain qui est le problème. Parce que ça, Satan le fait bien. Dans la civilisation qu'on a eue avant même les Juifs, il a fait des bonnes choses qui ont développé pour l'humanité. Là n'est pas le problème. Là n'est pas de trouver la bonté, les bonnes choses, les solutions pour le problème humain. Le système d'irrigation qu'on a fait en Égypte pour découvrir, c'était bien. Le système de santé, c'était bien. Les découvertes scientifiques, c'était bien pour l'humanité. Mais là n'est pas le sommet ou bien le but pour Dieu. Vous écoutez Lumière sur les ondes, mesdames et messieurs. Vous pouvez participer à l'émission au 699 49 37 90. 699 49 37 90 par appel. Ou par SMS, le thème de ce soir, possession démoniaque dans le corps de Christ, est-ce possible? Docteur Kiki Soula, vous allez bien? Oui. ça se passe très bien l'émission. Alors, je vais vous poser une question qui est celle de savoir comment, sur le plan scientifique, on peut expliquer ce phénomène où une personne parle dans le corps d'une autre personne. C'est-à-dire, moi je m'appelle Franck, Stéphane me voit, mais j'arrive à un moment de délire où on entend une autre personne. Que je suis son grand-père. Vous êtes habitué de cela. Absolument. Vous allez certainement nous expliquer ça tout à l'heure. Alors, une autre personne qui parle en moi, moi je suis là, mais c'est une personne qui parle. Est-ce que sur le plan scientifique, il y a un nom, est-ce qu'il y a une explication? Comment est-ce que... Sur le plan scientifique, on parle de double personnalité. Double personnalité, oui. Double personnalité qui peut se manifester de plusieurs façons. Ça oui. peut être... une maladie hypochondriaque, ça peut être la paranoïa, où vous allez commencer à déclarer des choses, oui. peut-être à vouloir vous suicider, à vouloir poignarder des gens. Et par exemple, lorsque vous, si vous arrivez à passer à l'acte, mm-hmm. peut-être 30 minutes après, quand on vous pose la question, mais vous avez poignardé tel, vous dites ce n'est pas moi, c'est plutôt vous donnez un nom, mm-hmm. c'est lui qui m'a envoyé faire ça. Oui. Alors que c'est vous, sur le plan scientifique, alors sur c'est le vous. Plan scientifique, alors, c'est vous. Je reste avec vous parce que on a fait un peu quand même des études en philosophie, on parlait du moi, on parlait du ça, on parlait du subconscient. Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que ça se joue, vraiment d'ordre oui. scientifique? Oui, sur le plan scientifique, tout ça se joue parce que ce genre de patient, pour les prendre en charge, on va rechercher dans l'histoire familiale. Mm-hmm. On va rechercher comment s'est déroulée la conception. Oui. Comment la maman a vécu la grossesse. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu une frustration? Oui. Est-ce qu'il y a eu tel problème? Donc, tout on va vraiment chercher la cause. Mm-hmm. Peut-être, est-ce que la maman a eu un choc qui a pu affecter le fœtus qui était dans le ventre, mm-hmm. et tout. Et puis, on va donc essayer de dérouler ces différents paramètres pour alors, vous qui travaillez dans un célèbre hôpital de La Place, est-ce que vous avez eu déjà ce genre de cas et est-ce que des personnes ont retrouvé la santé fort des efforts scientifiques qui ont été faits pour les soigner? Oui, les traitements existent, mais déjà, étant donné que c'est un problème psychologique, mm-hmm. dont le suivi est vraiment difficile, oui. et ce sont souvent aussi des traitements lourds, mm-hmm. avec beaucoup d'effets indésirables, mm-hmm. mais certains arrivent quand même à décrocher. Ok. Oui. Alors, pasteur Georges Guillaume Medjo, vous faites partir des personnes à qui Christ a délégué également le mandat quand il dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades retrouveront la guérison. Est-ce que dans votre assemblée, vous avez eu ce genre de personnes dont les esprits parlent en elles, plus je parle des personnes? Comment est-ce que vous avez fait pour traiter ce genre de cas? Parce que là, on a eu l'avis du médecin qui nous a déroulé un peu comment ça se passe. À votre niveau, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de cas et comment ça se passe? Oui, merci pour cette préoccupation. Mais j'ai déjà eu plusieurs cas. Ça fait 13 ans que je suis dans les ministères oui. de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous parlons dans la lumière des Saintes Écritures. Vous allez constater que l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 22, 25, Marc 4, verset 35, 41, Matthieu 8, vous lisez ces évangiles, vous allez constater que Jésus entrait, c'est-à-dire à l'opposition avec un démon, c'est-à-dire les esprits parlaient. C'est-à-dire parler le frère a cité tout à l'heure dans les personnes. C'est-à-dire, et quand Jésus lui pose la question, Jésus lui demanda quel est ton nom, et l'esprit répond Légion. Ça veut dire qu'il y a des gens, des entités spirituelles qui habitent des corps et des corps humains, oui. c'est-à-dire qui animent même ces corps. Vous allez constater qu'une personne qui habitait peut avoir des cauchemars, peut vivre des couches de nuit selon leur témoignage avant la délivrance. Et vous allez constater que la vie de ces personnes ne fonctionne pas dans de bonnes conditions parce que c'est l'esprit démoniaque qui dirige ouais. la personne, mm-hmm. qui entre l'âme et le physique de la personne. Mm-hmm. C'est-à-dire amène la personne à délirer, à poser des actes qui indignent le Seigneur. Ouais. Donc ceux et celles qui sont animés par l'esprit de Dieu, des serviteurs mm-hmm. ou des servantes qui sont animés avec l'esprit de Dieu, c'est-à-dire il peut avoir manifestation tout de suite. Oui. Ça veut dire en face, quand tu te retrouves en face d'une personne possédée, c'est-à-dire ta présence à travers le Saint-Esprit qui nous habite, parce que le Saint-Esprit habite le croyant, mm-hmm. en face d'une personne possédée, il y a manifestation. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ceux qui sont en train de nous écouter oui. et qui auraient des cas de possession, de, je sais pas trop, de maladie. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces personnes-là, vous pouvez faire quelque chose au nom de Jésus? Parce que c'est bien de parler aux antennes, mais est-ce que sur le plan physique, parce que là, on est en train de parler, on dit, voilà, vous avez cité les Saintes Écritures, Jésus qui s'adresse à un démon, le démon répond, je suis légion, et Jésus, avec autorité, chasse le démon. Est-ce que c'est la même chose avec vous? Parce que là, vous parlez des personnes, vous écoutent. Est-ce que c'est ce que vous faites au nom de Jésus? Je ne suis pas serviteur de Dieu par le hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. Oui. Donc, je suis serviteur pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. C'est Jésus qui, vous allez constater, même quand Jésus envoie les disciples à mission, il dit, Matthieu chapitre 10, tous les chapitres, d'ailleurs, tous les évangiles s'accordent dans ce dossier. C'est-à-dire, il donne le pouvoir aux apôtres de chasser les démons, guérir les malades. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, un pasteur qui est dans les Saintes Écritures, qui croit au nom de Jésus, c'est-à-dire après la repentance, dans sa mission, qui vit dans la volonté de Dieu, il a l'autorité, la même casquette que le Seigneur Jésus-Christ. Et Liberson Chada, oui, vous avez également cette casquette, question posée. Absolument. Alors, est-ce à dire que tout le monde peut se lever et chasser les démons? Non, si vous levez, si tout le monde veut se lever, c'est toujours dans Actes chapitre 19, verset 13, comme les sept fils d'Esquiva. Ouais. Il y a des gens qui sont mandatés. Et si tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ et que tu es appelé à ces tâches-là, parce que même dans le ministère, tout le monde n'est pas appelé à ces tâches-là. Ouais. Il dit que d'autres sont appelés aux tâches de telles choses, d'autres miracles, d'autres guérisons, ainsi de suite. Alors, par rapport à la question que vous m'avez posée avant que je ne vous relance, la Bible dit que nous avons la capacité, mais le Saint-Esprit a sa volonté. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur place, je prends un exemple dans le livre des Jean au chapitre 5, à côté de la piscine de Bethesda, la Bible déclare qu'il y avait des malades en grand nombre. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le grand médecin, le grand guérisseur, qui a créé et qui est venu au milieu de l'humanité, il a passé au milieu des malades, il a trouvé un homme qui était alité depuis près de 38 ans, il a dit, veux-tu être guéri? Après la guérison de cet homme, il a faufilé au milieu des malades, il est encore parti. Ça, quand je lis ce passage, ça me dépasse. Et vous voyez effectivement que voilà les gens qui ont besoin de guérison. Mais Christ entre là-bas au milieu, il guérit une personne. Je vous ai dit quelque chose parce que vous avez lancé la sonnette d'alarme pour mettre mon frère, le professeur Guillaume Medjo, au défi en disant que, comme les gens le disent, c'est pas vous, hein, je crois que vous êtes mon porte-parole de ces gens-là, qui disent que okay, si vous avez la puissance, alors l'habitat Jamo, l'habitat Kenzi, guérissez tout le monde. Ce n'est pas l'être humain qui décide pour faire ces choses-ci. C'est le Seigneur qui doit le faire, qui doit être l'initiateur et l'accomplisseur de ces choses-ci. Jésus lui-même, dans les évangiles, dit, souvenez-vous qu'au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais ce n'est qu'à la veuve de Sarepta, qui est une étrangère, qu'Élie a été envoyée. Il dit encore qu'au temps du prophète Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais ce n'est que le Syrien, Naaman, qui avait été guéri. Qu'est-ce que Christ veut nous dire? Il guérit quand il veut, il fait comme il veut. Donc, malgré que Dieu a donné l'autorité aux êtres humains, il contrôle cette autorité-là selon sa volonté. Sinon, on pourrait dire que rassembler tous les gens là-bas, je vous prouve que Christ existe. Mais maintenant, ici, je vais donc pousser un pion devant pour dire aux gens, en réalité, ce monde-ci se meurt. Ce monde-ci a besoin d'un sauveur. Le fait que les gens souffrent et cherchent de part et d'autre les différentes guérisons, ainsi de suite, montre clairement que nous avons besoin d'un sauveur. Que nous avons besoin du Messie, ou mieux, que nous l'avons rejeté. Oui. Nous avons commencé à chercher des voies. Dans l'une des voies, c'est l'humanisme ou bien le Dieu-moi. C'est-à-dire que l'être humain est arrivé au niveau où, tant qu'on ne croit pas à la science, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit prouvé scientifiquement, on ne voit pas. Okay. Et Christ lui dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Alors, donc, il faut arriver à Christ. 699 49 37 90, 699 49 37 90, par appel ou par SMS, vous pouvez nous contacter. Mesdames et messieurs, on reçoit déjà un certain nombre de messages que nous allons lire tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, nous allons poursuivre cette émission en touchant vraiment de plein pied la grande interrogation de ce soir qui concerne les enfants de Dieu. Je commence par vous, Elie Baron Chabda, je reste avec vous. Est-ce qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, peut être habité par un esprit démoniaque? Bonne question. Et c'est là maintenant, je crois que c'est même deux émissions ne finiront pas parce que là, il faut qu'on aille thème par thème. Allez-y rapidement. Je vais aller rapidement parce que le thème c'est possession démoniaque dans le corps de Christ. C'est terrible de dire seulement possession démoniaque dans le corps de Christ. Oui, parce que lorsqu'on comprend déjà la définition de ce qu'on appelle corps de Christ, ça pose problème. Justement. Voilà, ça pose problème parce qu'il faut redéfinir bibliquement, c'est-à-dire revenir à l'autre par rapport à ce que la Bible appelle par corps de Christ. La Bible appelle par corps de Christ dans 1 Corinthiens, il y en a plusieurs versets, mais c'est ce seul passage. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, que nous avons été en effet baptisé baptisé, ça veut dire immergé, plongé, immergé dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est ce corps donc qu'on appelle le corps de Christ. Mais le vrai problème maintenant, c'est que le vrai problème avec cette définition, c'est que malgré cette définition biblique, on trouve une autre définition extra-biblique aujourd'hui d'une notion du corps de Christ qui est extra-biblique. Et par conséquent, ces personnes qui se trouvent dans cette autre définition extra-biblique se trouvent possédées en conformité avec le corps de Christ de la Bible. C'est-à-dire, je vais vous arrêter. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, en réalité, on ne peut pas appartenir au corps de Christ et être possédé? C'est clair. Ça veut dire le Christ de la Bible. Je fais une déduction simple. Ça veut dire que si j'ai un pasteur, si j'ai un prophète, si j'ai un apôtre, qui est habité par quelque démon que ce soit, il n'est pas dans le corps de Christ. On arrive. Permettez-moi de dire ça clairement, que ce soit clair. Oui. Dès le départ, tous ces noms que vous avez cités, le titre importe peu pour Satan, parce qu'il en a des titres tellement. Dès le départ, son départ a été la chute. Dès le départ, il n'était pas là-dedans. C'est terrible, parce qu'on ne peut pas avoir une règle dans les Écritures qui dit cela. Parce que celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit. La Bible déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit ne viendra jamais habiter dans le corps de quelqu'un qui est possédé. Parce qu'il faut avoir un nettoyage. Si vous prenez l'image dans l'Ancien Testament, vous allez voir effectivement, si vous lisez le livre de Zacharie, Ézéchiel chapitre 8 et chapitre 9, l'image des cultes du temple, dans l'idolâtrie qui s'est passée dans le temple de Jérusalem, où le prophète Ézéchiel sera pris en esprit pour qu'il voit en abomination ce qui se passait là-bas. On va voir les grands prêtres, les grands conducteurs qui, dans le temple de Dieu, invoquaient Tammuz, invoquaient telle autre chose, et les figures qui étaient inscrits au mur, mais on invoquait en pleine journée l'Éternel des armées, mais ce sont des possessions démoniaques qui étaient là-bas. Il fallait que Dieu amène Ézéchiel en esprit pour qu'il voit effectivement que ce sont les idoles qui s'y sont là maintenant. Mais maintenant, l'aspect qui vient prendre dans l'enseignement, c'est que on dit que ces choses-là fait que la gloire de Dieu quitte ce lieu, que la présence de Dieu quitte ce lieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans le corps, c'est pour rester. Le Saint-Esprit ne vient pas pour partir. Okay. Alors, pasteur Georges Guillaume, vous étiez en train d'attester effectivement les propos d'Élie Bertrand Tchabda, c'est-à-dire que quelque sorte, vous êtes un peu d'accord. Est-ce qu'on ne retrouve pas des enfants de Dieu qui sont possédés? Moi, je m'interroge. Moi, je pense que les enfants de Dieu ne peuvent pas être possédés sur le fait que la conversation de Jésus avec Nicodème dans Jean chapitre 3, partie du verset, il dit ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les enfants de Dieu naissent de l'esprit de Dieu. Quand tu es né de l'esprit de Dieu, la possession ne peut pas t'atteindre. C'est un changement de vie. C'est un nouveau comportement. Nous devons servir dans les principes de Christ que dans la parole de Dieu. Et vous savez, nous avons tellement des indicateurs dans la parole de Dieu. Par exemple, la Bible nous montre dans le livre de Galates, les fruits de l'Esprit, ça veut dire que je suis devenu un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est ça le problème. Et vous allez constater que le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ était basé sur l'enseignement de la parole de Dieu, sur la repentance des péchés. Et il ne passait pas un temps sans parler du péché. Et après le péché, c'est là où il faisait des guérisons et des miracles. Il guérissait toutes les infirmités et dépossédait ce qui était possédé. Alors moi, si je suis devenu enfant de Dieu, né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite à moi. Comme l'Esprit de Dieu habite à moi, j'entre à l'opposition avec tout n'importe quel esprit démoniaque. Alors, les deux, un peu comme au départ, le pasteur et l'évangéliste s'accordent. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est dans le corps de Christ, alors qui dit être dans le corps de Christ, c'est le mot là. Qui dit diplôme aux gens, imposer les mains aux gens, puis vient 10 ans après et écrit dans son témoignage que c'est 10 ans après qu'il a rencontré le Seigneur. Je pose la question. Comment est-il devenu apôtre? C'est pour ça qu'il dit, si qu'il est possédé, dès le départ, il y a des questions sur le départ. Parce que le départ, c'est la nouvelle naissance. Pour pouvoir avancer, c'est la nouvelle naissance. Ce sont vos propos. J'espère que demain, je ne rencontrerai pas un Élie Bertrand qui est possédé ou un Georges Guillaume qui soit possédé, parce que je vais vous rappeler que vous n'étiez pas dans le corps de Christ. Absolument. Alors que vous avez fait 10 ans d'émission sur Radio Bonne Nouvelle pour évangéliser et pour... Oui, allez-y. Permettez-moi de... Parce que vous avez touché un thème qui est excellent. Il faut qu'on entre en profondeur. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de la définition du corps de Christ biblique. Oui. Et de la définition moderne que nous avons du corps de Christ, où tout le monde dit, je suis chrétien. Vous voyez, le fait qu'on ait influencé, on dit par exemple que la France est chrétienne. Les États-Unis sont chrétiennes. Il n'y a pas une nation chrétienne. Le christianisme, c'est une affaire de relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une affaire de collégialité, ce n'est pas une affaire de groupe. Il n'y a pas un groupe chrétien, un groupe de chants chrétiens, un groupe de missions chrétiennes. Il n'y en a pas. C'est une affaire d'intimité avec le Seigneur. C'est la relation, la réconciliation que Christ est venu faire avec des personnes. C'est un ensemble donc, des relations avec d'une personne, deux personnes, trois personnes, qui fait état que nous tous nous formons le même corps. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, la Bible dit, vous ne lui appartenez pas, malgré que vous avez invoqué son nom. Lis la Bible de Jérémie jusqu'à n'importe quoi. Dieu a donné ça dans le monde pour que tout le monde puisse lire. Mais il faut la relation. Ok. Alors, docteur Kiki et Sola, vous êtes entouré par deux théologiens. Non, je ne suis pas théologien. Je suis pas théologien. Je suis fait en Christ. C'était pour vous taquiner. Oui. Vous savez que ce mot allait vous faire mal. Oui. Vous êtes entouré par deux personnes qui sont habitées par l'Esprit de Dieu. Ce sont des pasteurs, ce sont des hommes de Dieu qui sont en train de nous dire dans ce studio que il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que la foi. Vous, en tant que médecin, vous nous dites qu'il y a aussi la science. La question que je vais vous poser, est-ce que face à un cas de trouble de personnalité, face à un cas de double personnalité, est-ce que vous, de manière personnelle, vous vous êtes souvent référé à Dieu? Est-ce que vous avez souvent mis la science de côté pour vous référer à Dieu? Est-ce que vous avez souvent fait une combinaison des deux, c'est-à-dire que vous pratiquez le protocole que la science recommande, mais dans l'intimité, vous priez aussi? Dites-moi, je vous sais chrétienne, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes certes médecin, mais vous êtes chrétienne. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est toujours le protocole scientifique qui est appliqué ou alors parfois c'est la foi? Expliquez-nous. Mon avis, je pense que en toute chose, il faut avoir la foi. Oui. Et même en science, peut-être on ne l'appelle pas foi, je ne sais pas, peut-être il a un autre nom, mais il faut avoir la foi. Parce que, par exemple, quand tu as un malade immunodéprimé, et que tu lui dis, il faut bien prendre ton traitement, faut pas sauter les heures, parce que, et il faut avoir le moral. Quand vous lui dites, il faut avoir le moral, c'est il faut avoir la foi. Ouais. Parce que même, j'aurais bien pu prendre les médicaments physiquement, mais si je ne mets pas que je serai guéri par ces médicaments, je n'aurai pas la réponse escomptée. Justement. Je n'aurai pas la réponse escomptée. Alors, ça veut dire que vous, de temps en temps, vous vous référez à Dieu, si j'ai bien compris. Bien sûr. Mais moi, en tant que médecin et en tant que chrétienne, oui, parfois, je dis à mes malades, faut prier. Face à votre situation, il faut prier. La science fait ce qu'elle a à faire, oui, mais vous également, vous priez, mais prenez vos médicaments. Priez, mais prenez vos médicaments. Mais quand on contre la folie, par exemple. Alors, on peut prendre un exemple dans la Bible. Quand tu es livré de Luc, tu vois une femme qui avait une bosse dans l'église. Absolument. Oui, c'était un médecin qui était devant, on allait opérer la femme. Oh, c'était un problème spirituel, par exemple. Oui. Donc, il peut arriver. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, effectivement. Mais est-ce que vous allez recommander, pasteur Georges Guillaume, à une personne qui habite, une personne qui a une certaine maladie, de ne que prier et de ne pas aller à l'hôpital? Parce que la foi peut tout. Non, non. Le problème, c'est quoi? C'est la spiritualité qui fait avancer la science. La science a des limites, mais la spiritualité, le spirituel n'a pas de limites. Okay. Et vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui ont des maladies qu'on n'arrive pas à diagnostiquer à l'hôpital, mais après avoir prié, on fait un bon diagnostic. On fait un bon diagnostic. Exact. Oui, effectivement. Oui. Ok. Alors, on va prendre quelques SMS pour les rendre publics. Des SMS et également des questions qui nous sont posées ce soir. Voilà, on a quelques SMS qui sont arrivés. Je vais procéder à la lecture. La science est limitée et ne peut pas guérir radicalement. Elle est le début de solution pour le cas de possession, mais le nom de Jésus a affranchi réellement. Jean 8, verset 36, c'est une contribution. Un autre message qui arrive là. Bonsoir à vous en studio. Acceptez déjà qu'un chrétien soit malade, c'est anormal, encore moins une possession démoniaque. Un jour, un de mes frères a posé la question de savoir si le moustique pouvait piquer Jésus. Pour lui, c'était une chose impossible. Il en est de même. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit, car les ténèbres ne marchent pas avec la lumière. Pour que cela arrive, il faudrait être non-croyant. Pour quelqu'un qui vit le christianisme, cela ne pourrait arriver. Ici, j'appelle non-croyant quelqu'un qui a une double vie, un enfant de Dieu. C'est celui qui vit le christianisme. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pèche pas. Merci pour la contribution. Le message n'est malheureusement pas signé. Un autre message, bonsoir à tout le panel. Par rapport au sujet, moi je crois qu'un véritable chrétien ne peut être possédé par un mauvais esprit. Mais la nouvelle naissance, la Bible dit que nous sommes revêtus par l'Esprit de Christ qui est la lumière. D'autant plus qu'on se demandait la lumière et les ténèbres cohabitent-ils ensemble? Le message est signé de Jester de Bounamoussadji. On va prendre ce dernier SMS. Shalom à vous en studio. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre être possédé et être maudit. Est-ce que le fait de regarder les films des sorciers à des heures tardives affecte le chrétien dans le sens où les forces du mal se servent de ce film pour nous visiter la nuit. Le message est signé de Joyce, Manuela Joyce, qui ajoute également avec un autre message. J'ajoute, pardon, est-ce qu'un enfant de Dieu peut naître déjà possédé? Est-ce que les milieux que nous fréquentons nous possèdent également? Alors, absolument. C'est trois questions proposées. Oui. Première question, Georges Guillaume, pasteur Georges Guillaume Djo, est-ce que les films que nous regardons, des films où on voit des représentations des esprits, des films où c'est, on prône le vampirisme, est-ce que ça peut avoir une incidence dans notre sommeil? Est-ce qu'on peut être possédé par ces films, ainsi de suite? Effectivement, c'est l'idolâtrie, on peut être possédé par ces films. Oui. Vous savez, la parole de Dieu condamne la foi hors de la des saintes écritures. Oui. Vous allez donc constater que Jésus déclare qu'il est le seul chemin qui mène dans la vérité, c'est-à-dire il n'est pas un chemin parmi d'autres. Mm-hmm. Ça veut dire que ceux et celles qui sont encore attachés, comme on disait tantôt, ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Déjà, elle est enfant de Dieu. Elle voit ça à minuit.